Radiomatique. Velvet Acid Christ lançait la transmission d'Audiomatique avec la pièce Barbed Wire Garden de son plus récent album Subconscious Landscapes. Cet album se présente sous deux facettes, soit une première moitié composée de pièces dans le même style que celles que nous avons entendues, plus down-tempo et avec à l'honneur notamment la voix de Sabine Terroni. C'est la chanteuse qui était sur la pièce que nous avons entendue. Et pour la seconde moitié de l'album, on retrouve le son auquel Velvet Acid Christ nous a habitués depuis le début des années 90, c'est-à-dire une musique électro-abrasive qu'on pourrait qualifier de cyberpunk. Les électronistes qui vous accueillent à Audiomatique pour la 20e fois en ce mercredi 18 février 2015. Si vous n'êtes pas encore familier avec le concept de notre émission, sachez que nous nous sommes donné comme mandat de diffuser des musiques puisées à même le genre électronique. Genre qui est reconnu pour ses richesses sonores, ses innovations et aussi pour sa diversité et sa mixité de styles, mais qui, malgré tout, souffre encore aujourd'hui des perceptions erronées que la majorité cultive à son endroit. Ce sont justement les préjugés et les idées préconçues face à ce genre que nous tentons humblement de faire tomber en présentant des pièces de toute époque et de tout style appartenant à l'univers de la musique électronique. Si votre curiosité a été titillée et que vous désirez en connaître davantage, et surtout si vous désirez réentendre l'intégralité de nos anciennes émissions en balado-diffusion, nous vous invitons à visiter notre profil sur Facebook à Audiomatique CFOU. Si jamais vous ressentez le besoin de nous joindre pour peu importe la raison, l'adresse électronique à utiliser est audiomatique.cfou@gmail.com. Maintenant, la prochaine séquence musicale sera introduite par Expansion Union à Audiomatique. Yeah. Nous terminions ce court segment musical à Audiomatique avec le projet Bola, le pseudonyme du Britannique Daryl Fitton, de qui nous entendions la pièce, Glink, qui ouvre le premier album de Bola intitulé Soup et qui est paru en 1998. Tous les titres des albums et mini-albums de Bola sont en fait des jeux de mots avec Bola. Comme par exemple, si on prend le titre de l'album Soup et qu'on lui accole Bola, ça donne Bowl of Soup, c'est-à-dire un bol de soupe. Vous ne pourrez pas dire que vous n'en avez pas été informé. Et pour débuter le segment, il s'agissait du duo Expansion Union formé de Ed Vingarten, aussi connu comme Displacer, et de James Bernard, qui camoufle parfois son identité sous les pseudonymes Influx et Cybertrax. En tant qu'Expansion Union, il nous présentait la pièce Spirit Zoned, sur laquelle on peut entendre G.O. Avière, qui est en fait le nom d'artiste de George Rodriguez. Cette pièce se retrouve sur le seul album d'Expansion Union, intitulé World Wide Funk, paru en 1999. En 2000, Expansion Union ont présenté du nouveau matériel à leur compagnie de disques pour un deuxième album, mais celle-ci n'a pas apprécié la nouvelle direction artistique du duo, qui avait pris l'avenue du style minimal techno. Poursuivons avec la formation italienne Blank, qui a mis à contribution la chanteuse Elena Alice Fossi pour la pièce Lost Symmetry que nous écoutons à l'instant. We were once red, green, gold, blue, and Breathe. Transformation. C'est fou, 89.1. La formation X Marks de Pedwalk concluait la séquence musicale avec la pièce Electric Summer tirée de l'album The Sun, The Cold and My Underwater Fear, qui est en fait son plus récent. Il pourrait vous intéresser de savoir que le groupe annonce un nouvel album sous peu, intitulé The House of Rain, et il est prévu pour avril 2015. Rappelons que X Marks the Pedwalk a vu le jour en 89 avec un son électro-industriel très inspiré par Skinny Puppy. Au milieu des années 90, le groupe a pris un tournant musical en composant des pièces à saveur un peu plus pop, ce qui se poursuit encore aujourd'hui à travers la démarche artistique du principal artisan de X Marks the Pedwalk, soit André Schmerchta, mieux connu sous son pseudonyme Severin Niharb. Auparavant, c'était le projet Poor Dream, incarné par l'artiste grec John Valazis, de qui nous entendions la pièce Back Bitter de son excellent album 99, sorti à la fin de 2014. Cet album marie à merveille sonorités électroniques et instruments acoustiques tels que le violon et la guitare classique en vue d'offrir à l'auditeur un voyage contemplatif teinté de rêvasserie et de mélancolie. Et nous amorcions la séquence avec Lost Symmetry de la formation italienne Blank, composition sur laquelle la chanteuse Elena Alice Fossi appose sa voix. Mademoiselle Fossi est mieux connue pour sa participation active à la formation Curlian Camera depuis la fin des années 90, ainsi que pour ses projets parallèles Spectra Paris et le défunt Cider Arctica. La pièce que nous avons écoutée se retrouve sur le troisième et plus récent album de Blank intitulé Dark Retreat. Allons-y maintenant à Audiomatic avec un bloc 100% montréalais, en débutant avec le projet Barracuda. Nous avions droit à Audiomatic, à l'artiste montréalaise Alice and the Serial Numbers, l'incarnation musicale d'Alice Bernier, qui nous offrait sa composition Music Machine, parue sur son premier album Mission One. et ce qui précédait Alice and the Serial Numbers et qui amorçait par le fait même ce bloc musical, c'était le projet Barracuda mené par le Montréalais Steven Dumont, de qui nous entendions la pièce Roban Sachet, j'espère que je prononce correctement, de son album Effa Natal paru en 1999 sur étiquette Hybride Structure. C'est presque la fin de la transmission d'Audiomatique pour ce soir. En fait, il ne reste qu'une pièce et celle-ci nous vient d'une formation de Madrid en Espagne. Il s'agit de Proyecto Mirage, de qui nous entendrons Interlock, tiré de l'album Slaves of Capital. Vous avez été les témoins auditifs de la transmission 020 de l'émission Audiomatique animée par les électronistes. Sachez que nous sommes rediffusés sur les ondes de C'est fou les samedis à 20h et que vous pouvez réécouter aussi souvent que vous le désirez les émissions passées d'Audiomatique en vous rendant sur notre page Facebook à Audiomatique CFOU. Pour entendre avant tout le monde la transmission 021, nous vous conseillons de syntoniser C'est fou mercredi prochain à 18h. D'ici là, restez à l'écoute car les audacieuses suivent dans quelques instants. Mais tout juste avant, voici la formation Proyecto Mirage et sa pièce Interlock.